Nous allons parler maintenant du verbe pouvoir, potere, au conditionnel, et faire comme tout à l'heure une distinction entre le conditionnel simple, je pourrais, et le conditionnel avec plongeoir, j'aurais pu. Prenons par exemple une phrase comme tu aurais pu me le dire, dans laquelle on a un conditionnel avec plongeoir. Comment diriez-vous ça? Mi avresti potuto dirmelo? Non, j'ai mis deux fois me. Avresti potuto dirmelo? Oui, avresti potuto dirmelo. Ou bien? Me lo avresti potuto dire. Me lo avresti potuto dire. Tout à fait. Imaginez maintenant que vous disiez la même chose à quelqu'un que vous voyez. Ça donnerait « vous auriez pu me le dire ». Me lo avrebbe potuto dire. Me lo avrebbe potuto dire. Oui. Ou alors on peut dire aussi avrebbe potuto dirmelo. Comment diriez-vous je sais qu'il ne pourrait pas le faire avec il au singulier? So, je sais. So. Oui. So, qu'il ne pourrait pas le faire. Que. Il ne pourrait pas le faire. Non potrebbe farlo. Voilà. So che non potrebbe farlo. Maintenant, dites-moi, je pourrais le faire. Toujours au conditionnel. Potrei farlo. Potrei farlo. Oui. Et maintenant, avec le vouvoiement, pourriez-vous me dire pourquoi? Potrebbe dirmi perché? C'est ça. Potrebbe dirmi perché? Maintenant, parlons un peu du conditionnel avec plongeoir dans une phrase comme j'aurais pu vous le dire ou la personne vous voit son interlocuteur. Comment diriez-vous ça? Avrei potuto dirglielo. Bien. Avrei potuto dirglielo. Sachant que à l'heure se dit in tempo en deux mots, in, in, et tempo, T-E-M-P-O, et que c'est un homme qui parle, comment direz-vous je serais parti plus tôt et je serais arrivé à l'heure? Sarei partito più presto. Et je serais arrivé à l'heure. E sarei arrivato in tempo. In tempo, à l'heure. Reprenez toute la phrase depuis le début, s'il vous plaît. Je serais parti plus tôt et je serais arrivé à l'heure. Sarei partito più presto e sarei arrivato in tempo. Bien. Sarei partito più presto e sarei arrivato in tempo. Au lieu de « je serais parti », vous pourriez dire « j'aurais pu partir plus tôt ». Avrei potuto partire più presto. C'est ça. Avrei potuto partire più presto. On peut aussi utiliser l'autre plongeoir, puisque « partire » est un verbe de mouvement. On dira donc sarei potuto partire più presto. Très bien. Sarei potuto partire più presto. Là, vous avez utilisé le plongeoir de partire. Et puisque tout à l'heure, je vous ai dit que c'est un homme qui parle, vous avez plongé dans potuto. Très bien. En français, la phrase « j'aurais pu partir plus tôt » pourrait être également prononcée par une femme. Qu'est-ce que ça donnerait en italien? Sarei potuta partire più presto. Bien sûr, sarei potuta partire più presto. Donc, on a potuta pour deux raisons. Parce qu'il s'agit d'une femme et parce qu'on a plongé avec essere. Il n'y a que le plongeoir essere qui nous permet de montrer si l'action est accomplie par un homme ou par une femme. C'est comme en français quand on emploie le plongeoir être. Comment diriez-vous maintenant « vous devez m'attendre » en vous voyant votre interlocuteur? Deve aspettarmi. Voilà, deve aspettarmi. Maintenant, si je vous disais dovrà aspettarmi, ça voudrait dire vous devrez m'attendre? C'est ça. Le son r se retrouve au futur et au conditionnel. Donc, dès que vous entendez ce r dans la terminaison d'une forme verbale, vous savez que vous avez affaire soit à un futur, soit à un conditionnel. Et il vous suffit d'examiner la terminaison pour savoir de quel temps il s'agit. Nous venons de voir deux formes de dovere, au présent et au futur. Maintenant, voyons le conditionnel. Par exemple, si vous vouliez dire à quelqu'un que vous vous voyez, vous devriez m'attendre. Qu'est-ce que vous diriez? Dovrebbe aspettarmi. Dovrebbe aspettarmi. Et maintenant, le conditionnel avec plongeoir, dites-moi, vous auriez dû m'attendre. Avrebbe dovuto. Bien, avrebbe dovuto. Aspettarmi. C'est ça, voilà. Avrebbe dovuto aspettarmi. Oui. Avrebbe dovuto aspettarmi, ou bien, en modifiant l'ordre des mots dans la phrase, mi avrebbe dovuto aspettare. Mi avrebbe dovuto aspettare. Bien. Voilà donc pour le conditionnel simple et le conditionnel avec plongeoir.